Section 11. Chapitre 20 et chapitre 21. Chapitre 20. Jean chez le petit Roger. Monsieur Abel vint déjeuner au café. Comme d'habitude, Jean lui sourit, mais ce sourire était triste. Il le regarda, mais ses yeux étaient humides. Monsieur Abel. Courage, mon enfant. Je vois bien ce qui t'afflige, c'est de quitter ton frère. Mais tu restes près de lui, tu le verras souvent. Et puis, il eût bien fallu le quitter un peu plus tard, quand lui-même, étant marié, aura pris le commerce de son beau-père. Jean. C'est vrai, monsieur, je me suis dit tout cela bien des fois, mais j'aime Simon, il est mon frère, il a été si bon pour moi. Je le verrai, mais ce ne sera pas la même chose, monsieur. Et vous, je vous verrai sans doute aussi, mais pas tous les jours, pas régulièrement, comme je vous voyais ici. Je pouvais tout vous dire ici, vous confier toutes mes joies, toutes mes peines, vous aimer à mon aise. Monsieur Abel, pauvre enfant, tu m'aimes donc bien. Jean, si je vous aime, comme un père, comme un bienfaiteur. Jean ne dit plus rien. Monsieur Abel acheva son déjeuner en silence. Il se leva, chercha Simon des yeux. « Amène-moi Simon, mon enfant, j'ai quelque chose à lui dire. » Jean l'amena de suite. « Simon, lui dit-il, j'ai vu hier Monsieur Amédée. J'ai obtenu de lui que ton mariage aurait lieu vers le carême. » Et qu'en attendant, tu entrerais chez lui pour te mettre au courant de son commerce. Il te loge et te reçoit chez lui dès demain. Monsieur Métis consent à ce brusque départ. Je te renverrai, Jean, dans une heure. Au revoir, Simon. Et toi, Jean, viens avec moi et prends courage. Tu seras heureux chez Madame de Grignan. Jean. Je n'en doute pas, monsieur. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. C'est ce que je vous disais au café, monsieur. Monsieur Abel. Oui, oui, mon ami, je le sais bien. Mais vois donc, si ce n'est pas de même pour tous, partout et toujours, on se sépare sans cesse de ce qu'on aime. » Tout en marchant et causant, ils arrivèrent devant un bel hôtel de l'avenue Gabriel. « Monsieur Abel, voilà ta maison, mon ami. Montons, je te présenterai à tes maîtres. » Monsieur Abel monta, suivi de Jean, entra dans un premier salon, puis dans un second, où se tenait la maîtresse de maison. Elle était à son bureau, elle écrivait. « Vous voilà, mon cher Abel, » dit-elle en se levant. « Et ce jeune homme est sans doute votre ami, Jean. Vous voyez, Jean, que nous nous connaissons. Vous avez l'air effrayé, mon pauvre garçon. Monsieur Abel a dû vous dire pourtant que nous chercherions à vous rendre heureux. » Jean. « Monsieur Abel m'a dit, madame, que vous étiez bien bonne, et que vous étiez tous bien bons, et que vous aviez un pauvre enfant bien malade qui était un petit saint. » Madame de Grignan tendit la main à Abel. « Merci, mon ami, d'avoir parlé ainsi de mon pauvre Roger. Il a bien envie de vous connaître, Jean. Monsieur Abel lui a parlé de vous. » Jean. « Moi aussi, madame, je serais bien heureux de le voir. » Madame de Grignan. « Eh bien, suivez-moi. Venez aussi, Abel. Roger est toujours si heureux quand il vous voit. » Madame de Grignan ouvrit la porte du fond et les fit entrer dans une chambre où était Roger, couché dans son lit. Son pauvre petit visage était pâle et amaigri. Ses mains et ses bras n'avaient que la peau et les os. Il avait de la peine à tourner sa tête sur son oreiller, tant il était affaibli par la souffrance. Lorsqu'il les vit entrer, un sourire doux et aimable anima un instant ce visage souffrant. « Mon cher monsieur Abel, dit-il d'une voix faible, que vous êtes bon de venir me voir. Abel, comment te trouves-tu, mon enfant ? Roger, je souffre beaucoup depuis hier, mais ne me plaignez pas, je souffre pour le bon Dieu, je lui offre tout, et il m'aide. » Jean, étonné, attendri, avait les yeux pleins de larmes. Roger l'aperçut, le regarda attentivement. « Roger, qui est ce jeune homme ? Il a l'air bon. » « Abel, c'est mon ami Jean dont je t'ai parlé, mon petit Roger. Il est en effet très bon. » « Roger, est-ce qu'il aime le bon Dieu ? » « Abel, beaucoup, mon ami. Sans cela, il ne serait pas bon. » « Roger, c'est vrai. Jean, je voudrais vous voir de plus près. » Jean s'approcha et se mit à genoux près du lit du pauvre petit malade. « Roger, je suis content de vous voir. Jean, je sens que je vous aimerai, que vous êtes un enfant du bon Dieu, comme moi. » Jean lui baisa la main et ne put retenir une larme. Il restait à genoux près du lit et le regardait. « Roger, est-ce pour moi que vous êtes triste, Jean ? Je ne suis pas malheureux. Je sais que je vais mourir, mais ce n'est pas un malheur de mourir. Je souffre tant, et depuis si longtemps, je serai près du bon Dieu, près de la bonne Sainte Vierge. Papa, maman et ma sœur me rejoindront, et toi aussi, Jean. Je t'aime déjà un peu. Oh, mon Dieu, Mon Dieu, je souffre. Tant mieux, mon Dieu, c'est pour vous. Je souffre. Donnez-moi du courage, mon Dieu. Aidez-moi. Oh, mon Dieu. Sa tête retomba sur l'oreiller, des gémissements contenus s'échappaient de sa poitrine, une sueur froide inondait son visage. Monsieur et madame de Grignan avaient pris la place de Jean et d'Abel. Ils lui essuyaient la sueur qui ruisselait sur son visage et sur son cou et lui faisaient respirer du vinaigre. Quand la crise fut calmée, Roger parut inquiet. « Maman, dit-il d'une voix éteinte, je crains de m'être plaint trop vivement. Croyez-vous que j'ai offensé le bon Dieu ?» Madame de Grignan, « Non, mon enfant, mon cher enfant, tu as tout accepté avec la résignation d'un bon petit chrétien. Sois bien tranquille, repose-toi. » Le petit Roger baisa un crucifix qu'il avait à son cou. « Roger, je suis bien fatigué, maman. Dites à Jean de revenir demain. Il me soignera un peu, cela vous reposera. Adieu, Jean. Prie le bon Dieu pour moi. Mon bon monsieur Abel, restez près de moi pour laisser maman se reposer. Vous resterez avec papa et vous causerez devant moi. J'aime tant à vous entendre causer. Abel, je resterai près de toi, mon enfant. Chère madame, voulez-vous présenter mon ami Jean à Barcus, votre maître d'hôtel? Je le remets entre vos mains. Va, mon pauvre Jean. Barcus te mettra au courant de la besogne que tu auras à faire. À demain au café pour la dernière fois. » Avant de sortir, Jean baisa la petite main décharnée du pauvre enfant qu'il avait si profondément impressionné et attendri. Roger lui sourit, mais il n'eut la force ni de parler, ni de bouger. Madame de Grignan l'emmena. Quand elle fut dans le salon, elle fondit en larmes. Jean la regardait pleurer avec tristesse, mais sans oser parler. « Mon pauvre Jean, tu entres dans une maison de douleur, » dit Madame de Grignan. « Jean, oh madame, c'est une maison de bénédiction pour moi. » Madame de Grignan avait les mains sur ses yeux, elle pleurait, puis se levant, « Venez, Jean, je vais vous mener à notre bon Barcus, un bien excellent être, celui-là. » Elle appela Barcus et lui présenta Jean. « Madame de Grignan, mettez ce bon garçon un peu au courant de la vie qu'il mènera chez nous, Barcus. Il est bon et pieux, car il a pleuré près du lit de notre pauvre petit enfant, et il a prié près de lui. » Barcus serra la main de Jean et l'emmena. « Monsieur Abel m'a beaucoup et souvent parlé de vous, Jean. Que savez-vous faire ?»« Jean, je ne sais rien du tout, monsieur. Je n'ai jamais été que dans un café. » Barcus souriant. « Eh, c'est déjà quelque chose. Et en tout cas, vous êtes modeste, ce qui est une bonne disposition pour tout apprendre et tout bien faire. » Jean, « Je vous remercie, monsieur, de l'encouragement que vous me donnez. Je vous obéirai en tout, monsieur, et je m'efforcerai de bien faire ce que vous m'aurez commandé. » Barcus, « Bien, mon ami, très bien. Et dites-moi, allez-vous exactement à la messe ?» Jean, « Au café, monsieur, je ne pouvais y aller que le dimanche de grand matin. Et puis, Simon et moi, nous allions à Vêpres, chacun à notre tour. » Barcus, « Et faites-vous vos prières, matin et soir ?» Jean, « Oh, monsieur, comment les aurais-je manquées ? Simon et moi, nous les faisions toujours ensemble, côte à côte. Et puis Simon me bénissait au nom de maman, et je l'embrassais. C'était toujours le commencement et la fin de nos journées. » Barcus, « Qui est Simon ?» Jean, « C'est mon frère aîné, monsieur. Un bien bon frère. Et monsieur Abel a été si bon pour lui. C'est lui qui a arrangé son mariage, qui lui a fait une fortune. » Barcus, « Vous aimez monsieur Abel ?» Jean, « Si je l'aime, monsieur ?» Et les yeux de Jean étincelèrent. Jean, je l'aime de toutes les forces de mon cœur. Je me ferai tuer pour lui. Et le jour où je pourrai verser mon sang pour lui rendre service sera le plus heureux de ma vie. Si je l'aime, mais si vous saviez toutes ses bontés pour moi et pour Simon, si vous saviez tout ce qu'il a fait pour nous, vous ne me demanderiez pas si je l'aime. Et croiriez-vous, monsieur, que ce bon monsieur Abel a de l'amitié pour moi? Oui, monsieur, moi, pauvre garçon, qui ne suis bon à rien, qui ne puis et ne pourrai jamais rien pour lui. Il m'aime, monsieur. Oui, il m'aime. Il a la bonté de m'aimer. Il est content que je l'aime. Bon, excellent, monsieur Abel. Si je pouvais du moins lui faire comprendre ce que j'ai pour lui dans le cœur. Mais je ne peux pas. Je ne trouve pas les paroles qu'il faut. Et puis, je n'ose pas. » Barcus était de plus en plus content de ce que lui disait Jean. Lorsque Jean fut parti, Barcus alla raconter à madame de Grignan toutes les paroles que lui avait dites le protégé de monsieur Abel. Elle en fut touchée et les redit à son tour à Abel. « Abel, en vous le donnant, chère dame, Je savais le trésor que je vous livrais. Si je ne l'avais pas fait entrer chez vous, personne que moi ne l'aurait eu. Ce sont de ces âmes d'élite qu'on garde soigneusement quand Dieu les met sur votre chemin. Barkus et lui sont dignes de s'entendre. Madame de Grignan. Ils s'entendent déjà comme de vieux amis. Barkus est enchanté. Il vous attend au passage pour vous remercier. En effet, lorsque M. Abel partit à la fin de la journée pour rentrer chez lui, Barkus le guettait au passage. « Monsieur, je ne vous remercierai jamais assez du cadeau que vous avez fait à notre maison. Ce Jean me paraît être un vrai trésor. Et comme il vous aime, si vous aviez vu ses yeux quand il me parlait de vous et de ce qu'il vous devait, quels yeux et quelle vivacité dans sa reconnaissance. Pauvre garçon, il souffre de ne pas pouvoir vous le dire comme il le voudrait. Abel, je suis bien content, mon bon Barkus, de vous l'avoir donné et de l'avoir remis à votre garde. Avec vous, modèle des Basques, il achèvera de devenir un saint et un serviteur comme on n'en voit guère, comme on n'en voit pas. » Abel partit en riant. « Demain, se dit-il, mon pauvre Jean ne sera pas Jean qui rit. Il quitte son frère, ses habitudes. Moi aussi, je lui manquerai. Ce ne sera plus de même, comme il le disait très justement. Et moi aussi, je suis un peu triste de perdre cette bonne heure de déjeuner. C'est singulier comme j'aime ce brave garçon. Je m'y suis attaché petit à petit. Je regrette presque de ne l'avoir pas gardé pour moi. Mais non, mon excellent ami me l'a demandé pour Roger. Un regret même serait égoïste et coupable. Pauvre petit Roger, quel saint enfant. À 10 ans, avoir le courage, la patience, la ferveur d'un martyr. Vraie bénédiction du bon Dieu, et les parents la méritent. » Le matin, lorsqu'Abel arriva au café, il trouva Simon et Jean qui l'attendaient. Ils s'empressèrent de le servir pour la dernière fois. Simon avait l'air heureux du sort que lui avait fait son excellent bienfaiteur. Le pauvre Jean avait la mine d'un condamné à mort. Soit qu'il regardât M. Abel, soit qu'il considérât Simon, il était également affligé. Abel avait l'air grave, presque triste. Le déjeuner ne fut pas long. « Adieu, mes bons amis, » dit Abel en se levant. « Je vous reverrai. Toi, Simon, je serai un de tes témoins pour ton mariage. Je te donne d'avance mon présent de noces. Il t'aidera à faire la corbeille d'aimer. » Il lui mit un portefeuille dans la main. « Et toi, mon enfant, » ajouta-t-il en se tournant vers Jean et lui prenant les deux mains, « je ne te dis pas adieu, je te reverrai aujourd'hui même. À revoir, donc, mon ami, à revoir. Et soigne bien mon petit Roger, car c'est en partie pour lui que tu entres chez monsieur et madame de Grignan. » Il lui serra les mains, Jean y répondit en baisant celle de monsieur Abel, qui salua du geste et du sourire, et sortit. Chapitre 21. Séparation des deux frères. Simon et Jean montèrent pour la dernière fois dans leur chambre. Ils firent chacun leur modeste et très petit paquet. Simon ouvrit le portefeuille que lui avait donné M. Abel. Il y trouva pour 2 000 francs d'obligation du chemin de l'Est et un billet de 1 000 francs plus l'anneau de mariage et la médaille que Simon devait, selon l'usage, donner à sa femme. « Est-il possible ? Quelle bonté ! Quelle générosité ! » s'écria Simon. « Jean, je vais t'accompagner jusque chez toi, Simon. » « Simon, certainement, mon ami, tu m'aideras à m'arranger. Ce ne sera pas long, je pense. » « Non, mais nous serons restés ensemble le plus longtemps possible. » Les deux frères firent leurs adieux à M. Métis, qui leur donna à chacun une gratification de 20 francs, et ensuite ils prirent congé de leurs camarades qui les voyaient partir avec regret. En arrivant chez M. Amédée, ils furent reçus avec une grande joie. « Seulement, mon ami, lui dit Madame Amédée, vous auriez dû nous prévenir pour les meubles. Je ne savais pas que vous en eussiez acheté, et j'avais mis dans votre chambre ce que j'avais, pas beau, mais pouvant servir. Il a fallu enlever mes vieilleries pour y placer votre joli mobilier. Les tapissiers y ont travaillé depuis le jour naissant. Rideaux, alcôves, ils ont tout mis en quelques heures. C'est que vos meubles sont charmants, ils sont très bien. La future chambre d'Aimé est même trop élégante. Je ne lui fais pas d'autres reproches. » Simon était stupéfait. La surprise l'avait empêché d'interrompre sa future belle-mère. « Simon, mes meubles, la chambre d'Aimé, dit-il enfin, mais je n'ai rien acheté, je ne sais ce que cela veut dire. » « Jean, comment, Simon, tu ne devines pas? Mon cœur me dit à moi que c'est monsieur Abel, toujours monsieur Abel. Allons vite voir ce qu'il y a dans tes deux chambres. Je suis content pour toi et pour Aimé. » Ils montèrent tous au premier, au-dessus du magasin. Simon et Jean trouvèrent, en effet, un mobilier complet dans chaque chambre. Les meubles étaient en acajou et perse de laine, simples et jolis. Dans la chambre de Simon, il y avait une petite bibliothèque avec une vingtaine de volumes reliés, bien choisis et tous intéressants et utiles. Madame Amédée, on a mis l'armoire et le linge dans la chambre d'Aimé puisque c'est elle qui doit le soigner et s'en servir. Et quant à la malle de vos effets, Simon, je ne l'ai pas ouverte. J'ai pensé que vous aimeriez mieux ranger vos affaires vous-même. Simon, ma malle, mes effets, mais je n'ai pas de malle et mes effets sont dans le paquet que j'ai apporté. Jean, encore Monsieur Abel, notre chère Providence. Jean courut à la malle, l'ouvrit et la trouva pleine de linge, d'habits, de chaussures, de tout ce qui pouvait être nécessaire à Simon dans sa condition de petit commerçant aisé, mais travaillant encore. Pour le coup, Simon sentit ses yeux se mouiller de larmes. « C'est trop, dit-il, c'est trop bon. Et voyez, ajouta-t-il, en leur montrant le portefeuille et ce qu'il contenait, voyez ce qu'il m'a donné. Avant lui, je n'avais rien. J'envoyais à ma mère tout ce que je gagnais, et ce billet de 1 000 francs, prenez-le comme cadeau de noces pour Aimer, ma mère. Achetez ce que vous croirez lui être utile et agréable. » Monsieur et Madame Amédée étaient enchantés. Il leur importait peu de qui venaient ces richesses, pourvu que leur fille en profitât. Ils se hâtèrent de descendre pour faire part à Aimé des générosités de Monsieur Abel. Les yeux de Madame Amédée brillaient de bonheur. « Madame Amédée, avec un pareil protecteur, Aimé, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter de l'avenir de tes enfants. » Aimé. « J'espère bien, maman, que Simon n'aura jamais besoin d'avoir recours à la générosité de son bienfaiteur, après tout ce qu'il lui a déjà donné. » « Madame Amédée, je ne dis pas que tu demandes jamais rien à Monsieur Abel. Je veux dire seulement que sa générosité prévoit tout et pense à tout. » Aimée n'était pas contente de l'explication de sa mère, mais elle ne dit rien, c'était sa mère. Simon et Jean, restés seuls, s'embrassèrent tendrement et longuement. Tous deux avaient des larmes dans les yeux, leur silence exprimait mieux que des paroles leur joie et leur reconnaissance. « Rangeons tes effets, dit Jean, après quelques instants de silence, et puis je te quitterai pour aller aussi dans ma nouvelle demeure. Hélas, mon bon et cher frère, c'est là le chagrin, chacun chez soi. Nous ne serons plus ensemble, toujours, toujours séparés à l'avenir. Mais pas séparés de cœur, mon cher, cher Jean. Ces 2 années que nous avons passées ensemble, si étroitement unies, sont de beaux moments de notre vie. Ils nous laisseront un charmant et heureux souvenir. Je n'ai jamais été si heureux que dans notre pauvre chambrette du 5e, où nous manquions de tout, et où nous avions tout ce qui fait le bonheur, une conscience tranquille et notre tendresse fraternelle. Nous les avons toujours, ces 2 éléments de bonheur. Nous nous verrons moins, c'est vrai, mais nous nous aimerons autant et nous penserons l'un à l'autre. Et à présent, mettons-nous à l'ouvrage. » Jean embrassa encore une fois Simon et commença avec lui à tout placer dans la commode et dans l'armoire et à accrocher les habits au porte-manteau. Au fond de la caisse, Simon trouva d'abord un crucifix et une petite statue de la Sainte Vierge, puis un petit paquet. Il l'ouvrit et en tira 2 jolis livres, les Évangiles et l'Imitation. Ensuite, une petite boîte contenant une belle montre d'homme avec sa chaîne d'or. Jean. Encore, tu vois s'il nous aime. Est-il possible qu'il y ait un homme meilleur que mon cher monsieur Abel? Je ne le crois pas. Non, c'est impossible. La malle était vidée. Simon se trouvait monté de tout pour des années. Jusqu'aux chaussures et aux affaires de toilette, rien n'avait été oublié. Il commençait à se faire tard. Il était temps que Jean se rendît chez ses nouveaux maîtres. Les 2 frères s'embrassèrent à plusieurs reprises. Jean descendit l'escalier, la vue un peu troublée par des larmes qui remplissaient ses yeux malgré ses efforts. Et Simon, partagé entre le regret de quitter son frère et le bonheur de sa situation actuelle et à venir. Les frères se séparèrent au bas de l'escalier. Jean sortit. Simon entra dans le magasin où il trouva Aimé, qu'il n'avait pas encore vue, à laquelle il avait tant de choses à dire, et dont la sympathie et l'affection dissipèrent promptement le nuage de tristesse que lui avait laissé le départ de Jean. Celui-ci marchait vite et cherchait à se distraire. En passant devant l'épicerie de Pontoise, il se heurta contre Jeannot qui en sortait. Jean. « Ah, Où vas-tu si précipitamment, Jeannot ? Jeannot. Je vais entrer chez monsieur le comte de Puffières. Une fameuse place, va. Des gens très riches. J'ai 400 francs de gage pour commencer. Habillé comme un prince, nourri comme un roi. Presque rien à faire, et puis des profits. Jean. Quel profit peux-tu avoir ? Jeannot. Monsieur Boissec, l'intendant me les a expliqués. Je les aurai si je me conduis bien. Je te dirai ça quand j'y serai et quand je saurai bien au juste ce que c'est. Et toi, où vas-tu si bien habillé ? Jean. J'entre aussi, moi, dans une maison où m'a placé notre cher bienfaiteur, monsieur Abel. Jeannot. Et quel genre de maison est-ce ? Jean. Des personnes excellentes. Il y a un pauvre petit garçon de 10 ans, bien malade. C'est un vrai petit ange. Et les pauvres parents, si résignés et si tristes, mais si pieux, un chagrin si doux, si bon. Jeannot, d'un air moqueur. Ce sera amusant. Un joli présent que t'a fait ton cher bienfaiteur. Jean. Oui, c'est un beau présent. Il faut qu'il m'aime bien pour m'avoir trouvé digne d'entrer dans cette maison. Pauvre Jeannot, tu ne comprends plus cela, toi. Jeannot. Laisse-moi donc avec ta pitié. Tes pauvres Jeannot m'ennuient à la fin. Pendant que tu jeûneras, que tu prieras comme un imbécile, je m'amuserai comme un roi. Je mangerai, je boirai, je dormirai. Jean. Et après ? Jeannot. Après ? Eh bien, après, je recommencerai. Jean. Et après ? Jeannot. Après, après, je continuerai. Jean. Et après ? Jeannot. Ah, laisse-moi donc tranquille avec ton après. Jean. C'est qu'après, tu mourras, Jeannot, et que lorsque tu seras mort, il y aura encore un après, et un toujours. Jeannot lança à Jean un regard de colère et de mépris, et passa de l'autre côté de la rue pour ne plus marcher avec lui. Au coin de la rue Castiglione, Jeannot tourna à droite, Jean continua tout droit et dit un dernier adieu au pauvre Jeannot qui se croyait très heureux et qui ne daigna ni répondre ni tourner la tête. « Quel dommage qu'il ait quitté le pays, se dit-il. Paris l'a perdu. » Jean arriva chez monsieur et madame de Grignan. Ce fut Barcus qui le reçut. « Ah, te voilà donc, mon ami. Je suis bien content de t'avoir chez nous, et nous allons nous mettre à l'ouvrage de suite. Monsieur Abel dîne ici. Tu vas essuyer les assiettes et les verres pendant que je préparerai le dessert et le vin. » Jean. « Comment va ce pauvre petit monsieur Roger ? A-t-il passé une bonne nuit ?» Barcus. « Non, mauvaise, comme toutes celles qu'il passe depuis 15 mois. Il souffre constamment. Il n'a pas de sommeil, le pauvre petit. Le père et la mère sont sur les dents. » Un coup de sonnette se fit entendre. Barcus. « Vas-y, Jean, vas-y. Ma corbeille de fruits va crouler si je l'abandonne. » Jean courut au salon et y trouva madame de Grignan. « C'est vous, Jean ? Je sonnais tout juste pour savoir si vous étiez arrivé. Mon pauvre Roger vous demande. Il désire beaucoup vous voir. Lui qui ne demande jamais rien et qui semble ne rien désirer, il a demandé qu'on vous envoyât chez lui aussitôt que vous seriez arrivé. Allez-y, mon ami. » « Oui, madame. Madame veut-elle me permettre de prévenir monsieur Barcus ?» Oui, Jean, allez, c'est très bien à vous d'être déférent pour monsieur Barcus. » Jean revint un instant après et il entra dans la chambre de Roger. Le bruit léger que fit la porte attira l'attention du petit malade. Il ouvrit les yeux, un demi-sourire et une légère rougeur vinrent animer son visage. Il fit signe à Jean d'approcher et lui tendit la main. Jean la prit doucement, y appuya ses lèvres et regarda le visage si souffrant, si contracté, du pauvre enfant. Roger examinait Jean de son côté. Il sourit légèrement. « Tu as pitié de moi, Jean. Tu ne veux pas croire que je ne suis pas malheureux ? Je souffre, il est vrai, je souffre beaucoup. Mais le bon Jésus me donne de la force pour souffrir. Et toi, qui es pieux, tu dois savoir que plus on souffre, plus on est heureux dans l'autre monde. Je mourrai bientôt. » Et je serai bien, bien heureux avec le bon Dieu. Je prierai pour toi, Jean, quand je serai là-haut. » Roger se tut et ferma les yeux. Il ne pouvait plus parler, tant sa faiblesse était grande et sa souffrance aiguë. Jean voulut se relever, mais Roger sourit légèrement sans ouvrir les yeux et retint la main qu'il tenait. « Prions, » dit-il très bas. « Jean, oh oui, prions pour que le bon Dieu vous rende la santé. » Roger. Non, prions pour que sa volonté soit faite et qu'il fasse de moi tout ce qu'il voudra. C'est mieux, ça. Je suis content aujourd'hui, reprit-il après un assez long silence. Papa et maman pourront se reposer pendant que tu es près de moi, Jean. Et je suis tranquille quand ils se reposent. Mon ami Abel t'aime beaucoup, Jean, parce que tu aimes bien le bon Dieu. Et moi aussi, je t'aime pour cela, et je suis content quand tu es là, près de mon lit. Et puis, j'aime avoir tes yeux. Ils sont doux, ils sont bons, ils ont toujours l'air d'aimer. Roger s'arrêta, son visage se contracta. Jean, prie pour moi, que le bon Dieu m'aide. Je souffre. Ah, mon Dieu, pardon, ma bonne Sainte Vierge, aidez-moi, ayez pitié de moi. Ô Dieu !» Jean retira sa main d'entre celles de Roger, qui n'eut pas la force de la retenir, et il courut chercher Madame de Grignan, qui causait avec le médecin de la maladie et des souffrances de son enfant. Ils entrèrent et renvoyèrent Jean à Barcus. Monsieur Abel arriva peu de temps après. Jean profita de ce qu'il se trouvait seul avec Monsieur Abel pour lui dire rapidement ses nouveaux motifs de reconnaissance. Il se mit à genoux devant lui pour donner un coup de brosse à ses bottes, et dans cette position humble et reconnaissante, il lui dit des paroles de tendresse et de dévouement. « Monsieur Abel, tais-toi, mon enfant. Tu sais que tu es convenu avec moi de ne me remercier que par les yeux. Si quelqu'un t'entendait, on pourrait croire que je suis réellement ton sauveur, ton bienfaiteur. Je veux être ton ami et ton protecteur, rien de plus. Voici Barcus, silence. Eh bien, Barcus, où avez-vous logé mon petit Jean ? Barcus, monsieur, j'ai fait porter sa malle dans la chambre, près de la mienne. » Jean regarda Monsieur Abel d'un air surpris en répétant « Ma malle ? Ma malle ?» Monsieur Abel, « Mais oui, ta malle, Nigaud. Où voulais-tu qu'on l'a mis, si ce n'est dans ta chambre ? C'est comme pour Simon. Quand il a déménagé, sa malle a été portée dans sa nouvelle chambre. Il en est de même pour toi. » Tout cela fut dit d'un air significatif, avec un sourire bienveillant et un peu malin, et avec quelques signes du doigt qui voulaient dire « Ne me trahis pas, tais-toi !» Barcus, « Je vais voir si madame est dans le salon. »« Monsieur, » dit Jean, dès qu'ils furent seuls. « Monsieur Abel, chut, Barcus va revenir. Tu as manqué me trahir. Crois-tu donc que ce que je fais pour Simon, je ne l'aurais pas fait pour toi ? Toi, mon ami, mon confident, ajouta-t-il en riant. » À table, Jean vit pour la première fois Mademoiselle Suzanne de Grignan, jeune personne, gracieuse, aimable, charmante. Toute la famille était si unie, si bonne, que Jean se sentit de suite à son aise, comme s'il en faisait partie. Pour la première fois, il eut l'occasion d'apprécier l'esprit gai, vif et charmant de Monsieur Abel. Il l'admira d'autant plus, il ne le quittait pas des yeux, et plus d'une fois, cet enthousiasme muet excita le rire bienveillant des cinq convives. Fin de la section 11.